Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Il nous reste 24 heures pour vous parler cette année de philosophie. La parole est à Arletty. Elle est belle, voyons. Si vous la trouvez si belle, Pierre François, pourquoi parlez-vous sans cesse de la mort? Oh, rassurez-vous, Garin, je parle surtout de celle des autres. La mienne, c'est pour plus tard. Et puis, que voulez-vous? La vie est ainsi faite. Les philosophes pensent toujours à la mort et les jolies femmes à l'amour. N'est-ce pas? En somme, si je comprends bien, tout ce temps que vous êtes des philosophes. Pourquoi pas? Eh bien, elle est gaie, elle est jolie, elle est propre, la philosophie. Et oui, elle est gaie, elle est jolie, elle est propre, la philosophie, surtout quand elle s'entoure des enfants du paradis. Ceux qui sont nés boulevard du crime, au milieu des badauds et des forains, des mimes et des acteurs. Au théâtre, le paradis est toujours en haut, mais en haut de la salle, au sommet des gradins, où s'entassent ceux qui ont les poches vides. Plus ils sont pauvres, plus ils s'expriment, d'où l'importance primordiale pour un acteur d'obtenir l'adhésion du paradis, dans l'espoir, qui sait, d'y accéder un jour. Les enfants du paradis devaient s'appeler les funambules, du nom du théâtre dans lequel jouent les personnages principaux du film. Sorti en 1945 sur nos écrans, il est le fruit de la collaboration entre un poète et un réalisateur. Jacques Prévert et Marcel Carnet en sont à leur sixième collaboration et ils souhaitent faire revivre les théâtres et la foule du boulevard du Temple sous la Restauration. Le mime de bureau, le poète assassin Pierre-François Lassner, l'acteur Frédéric Lemaître, tous répondent présents pour 3h15 de magie qui vous marqueront à vie. Bonjour Carole Rouet. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes maîtresse de conférences et docteur en littérature et civilisation française et latine de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et vous êtes surtout, ai-je envie de dire, en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, passionnée du cinéma Carnet Prévert. Vous avez écrit un nombre de livres sur Prévert impressionnants. On les mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Passionnée, c'est le terme, cette relation? Oh, c'est pleinement le terme. Oui. Totalement passionnée depuis très très longtemps. Je suis venue au cinéma de Carnet et Prévert via Prévert et via la poésie. J'aime aussi le cinéma que Prévert a réalisé avec d'autres collaborateurs, hein, d'autres réalisateurs. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement particulier pour les films de Carnet et Prévert. Oui. Comment se sont rencontrés ces deux personnages qui ont travaillé ensemble mais qui n'étaient pas vraiment amis? Oui, c'est vrai. En fait, ils se sont rencontrés en 1936. C'est une assez jolie histoire parce que tous les deux sont des autodidactes, absolument passionnés de cinéma. En fait, Carnet, un père ébéniste qui souhaiterait qu'il soit lui-même ébéniste et qu'il l'inscrit dans une école d'ébénistes. Et Carnet, en fait, sèche les cours pour aller suivre des cours aux Beaux-Arts, des cours de photographie et pour se rendre dans les salles obscures également. Et Prévert, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il pratique plutôt l'école buissonnière, mais il est littéralement emballé par le 7e art quand il le découvre. Et il se débrouille, parce que la famille n'est pas très fortunée, il se débrouille pour donner une petite pièce ou pour passer un peu incognito derrière la caisse et aller voir un certain nombre de films. Et il est notamment passionné par les burlesques américains et par Fantomas. Donc voilà, il y a cet engouement, il y a ce plaisir à aller au cinéma chez Carnet et chez Prévert. Et en fait, ils vont se rencontrer plus tard d'une assez jolie manière, c'est-à-dire que Carnet va commencer à écrire des critiques de films, il va réaliser son premier court-métrage, Nos gens Eldorado du dimanche, en 1929, et puis il a envie, après avoir été l'assistant de Feder notamment, Carnet a envie de réaliser un long-métrage. Et il se retrouve avec un scénario entre les mains qui s'appelle Prison de velours et il trouve que ce scénario décidément n'est vraiment pas fameux et il se dit il faut que je fasse appel à un scénariste pour faire quelque chose de ce texte. Et c'est là que lui revient en mémoire en fait une réplique qu'il a entendue dans une pièce de théâtre qu'il a vue en 1933 qui s'appelle La bataille de Fontenoy. Et c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Jacques Prévert pour le groupe Octobre. Et Carnet se souvient de cette réplique qui est « Soldat de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd » parce que cette pièce est évidemment violemment antimilitariste. Et il cherche les coordonnées de Prévert et il va trouver Prévert avec son script. Prévert lit, prison de velours, lui confirme qu'effectivement ce texte n'est pas fameux, mais lui dit texto, on va se démerder. Et l'aventure part comme ça, et ce premier film, ça sera Génie, en 1936. Donc voilà comment les deux hommes se rencontrent. Alors effectivement, vous le disiez initialement, ils ne sont pas véritablement amis, c'est-à-dire qu'il y a une véritable complémentarité dans leur travail. Ce sont des hommes assez différents, Carnet est assez droit, assez froid, Prévert est évidemment beaucoup plus incontrôlable, avec une imagination débordante, et c'est pour cette raison que je parle de complémentarité, parce qu'il y a une sorte de symbiose entre les deux dans le travail. De cette collaboration va naître, vous l'avez dit, Génie en 1936, Drôle de drame en 37, Le Quai des Brumes en 38, Le Jour se lève en 39 et Les Visiteurs du Soir en 42. Les trois derniers feront l'objet des trois prochaines émissions cette semaine. Et aujourd'hui, on commence par la fin, presque, même si elle est Portes de la Nuit, ensuite en 46. Les Enfants du Paradis sort en 1945, ça veut dire qu'il a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est loin d'être secondaire par rapport au tournage de ce film. Bien sûr. C'est un tournage qui va commencer, en fait, enfin, l'écriture du scénario va commencer à l'été 1943. Et c'est une sacrée aventure, effectivement, pour mener à bien un film comme il le souhaite dans cette période. Donc, l'ensemble va durer à peu près 2 ans. Bon, il est vrai que Carnet, à la fin, fait un peu traîner pour sortir à la Libération et que le film est déjà prêt et déjà monté. Mais c'est une sacrée aventure, oui, parce que aussi Carnet et Prévert commettent un acte extrêmement courageux, c'est-à-dire qu'ils décident de faire travailler le décorateur Alexandre Trauner et le compositeur Joseph Kosma, qui sont juifs et qui n'ont pas le droit de travailler. Ils décident de les faire travailler anonymement dans la clandestinité pour Les Enfants du Paradis. En fait, Prévert loue une bastide, un mât, qui s'appelle le prieuré des Valettes et qui se trouve au sud de Saint-Paul-de-Vence et de Tourette-sur-Loup. Et en fait, il a trouvé cette maison qui a la particularité d'être assez isolée du village, à peu près dans les hauteurs, à 5 km du village de Tourette, et qui a une porte qui donne vers l'extérieur, derrière, vers les vignes, et qui permet éventuellement de partir en cas de descente. Donc Trauner et Kosma sont cachés là. Avec évidemment l'aide de Carnet et des autres collaborateurs du film. Tout le monde n'est pas au courant, mais une bonne partie est au courant. Et ce que ça crée aussi, c'est une collaboration assez singulière, puisque tous travaillent en même temps dans le salon. Donc il faut quand même imaginer la scène. Carnet fait des allers-retours depuis Paris pour amener de la documentation et n'est pas là constamment, mais Prévert est là constamment et écrit le scénario. À côté de lui, il y a le décorateur Alexandre Trauner qui peint ses maquettes de décor. À côté, il y a également Maillot, qui est le costumier et qui peint les maquettes des costumes. Et puis, il y a Kosma, avec un petit piano, qui compose en même temps la musique. Donc, il y a vraiment un bouillonnement comme ça. C'est une sorte de laboratoire artistique et tous créent ensemble et échangent quotidiennement, ce qui, évidemment, a joué dans la réussite de ce film. Prévert écrit son scénario, écoute et entend tout d'un coup la musique de Kosma et modifie éventuellement un peu son personnage, etc. Les interactions sont constantes. Donc c'est effectivement un sacré tournage. On va pénétrer dans l'ambiance du film dans un instant. Ce film qui est considéré par beaucoup de critiques et régulièrement comme l'un des meilleurs films français de tous les temps. Il y a une espèce d'unanimité critique autour de ce film. On va essayer d'examiner ça ensemble au cours de cette heure. Non pas pour donner tort ou raison, mais pour voir en effet l'épaisseur peut-être beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît de ce film. On va entendre un premier extrait. D'abord la voix de Carnet qui dit bien que pour lui ce qui est important dans un film c'est d'abord l'atmosphère. Et quand on connaît certaines tirades, ça peut faire sourire de voir la référence à l'atmosphère, le clin d'œil à la gueule d'atmosphère d'un autre film. Et puis ensuite un extrait qui va nous plonger dans l'ambiance directement entre le père de bureau et Baptiste, à savoir une réflexion sur le jeu. Non pas tellement de l'acteur, mais du mime. Écoutez, bienvenue sur le boulevard du crime. Il est certain que j'ai recherché toujours une atmosphère. Il est certain que une histoire, pour moi, la plus belle histoire, si on ne peut pas l'incorporer à un milieu intéressant, j'hésiterai à la tourner. Vous comprenez, très souvent, une atmosphère et des personnages m'intéressent plus que la trame elle-même. Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Avant-scène si vous êtes fortuné et 4 sous au paradis si vous êtes pauvre ou momentanément gêné. Entrez, entrez et venez voir les dangers de la forêt vierge où le crime et la vertu. Drôle de pantomime féerique, exotique et pyrotechnique. Entrez Et vous verrez une fillette de 15 ans, poursuivie par un lion de l'Atlas, un incendie de forêt, un enlèvement en ballon. Et vous me verrez moi-même, le seul, unique, l'incomparable Anselme de Bureau, Anselme de Bureau, qui a joué la pantomime dans le harem du grand turc en sa propre présence, et devant ses 82 turqueresses. Mais celui que vous ne verrez pas à l'intérieur, rassurez-vous, c'est celui-là. Parce que celui-là ne sait rien faire. C'est un attardé. Un rescoupeau. Même quand il est assis. Un invraisemblable niais. Un lamentable ahuri. Un incompréhensible bon à rien. Et celui-là, hélas, c'est mon fils. Vous voyez ici la honte d'une famille d'artistes. Le désespoir d'un père illustre. La racine de ses cheveux gris. Mais quand je dis mon fils, fort heureusement, j'exagère. Une nuit que la lune était pleine, il est tombé. C'est tout. Sa mère l'a trouvé dans un seau d'eau. Cette nuit-là, j'étais en voyage et quand je suis revenu, c'était déjà trop tard. Mais nous ne sommes pas ici pour étaler nos malheurs en public. Le spectacle va commencer et ce spectacle est unique. Pour ceux toutefois qui sont prêts de leur sou, pour les peintres, les ladres, les regardants, la direction ne reculant devant aucun sacrifice, la direction leur laisse Baptiste gratuitement. Et oui, le spectacle va commencer, a déjà commencé sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons des Enfants du Paradis aujourd'hui, le film de Marcel Carnet et Jacques Prévert en compagnie de Carole Orway. Comment parler de ce film? C'est une histoire d'amour entre Garance et Baptiste, mais c'est une histoire d'amour qui met en scène les ficelles du théâtre pour montrer qu'entre la vie amoureuse et la vie sur scène, bien souvent, il n'y a pas vraiment de différence, c'est toujours une histoire de jeu, Carole Orway, c'est ça le sujet du film? Oui, c'est ça le sujet du film, même si c'est un film qui est extrêmement riche et qui va dans un certain nombre de directions. L'amour est central, ça c'est évidemment capital, et Prévert, qui se livre très peu sur son travail, le dit explicitement. Donc profitons pour une fois de son témoignage. Ce qui me semble très intéressant au niveau du traitement là qu'il fait de cet amour, c'est qu'il crée une intrigue principale qui est l'amour contrarié, impossible, cette espèce d'aporie de l'amour entre Garance et Baptiste, et il va développer autour de cette intrigue principale des intrigues secondaires, périphériques, qui lui permettent de présenter un peu toutes les formes d'amour qui existent. Donc d'un côté, Garance a une relation qui est charnelle, sensuelle, dans les mots, avec l'acteur parlant Frédéric Lemaître. D'un autre côté, elle va avoir, il y a une sorte d'amour plus vénal avec le comte de Montré, qui va en quelque sorte pas l'emprisonner, parce qu'elle garde toujours en partie sa liberté, mais quand elle a besoin, suite à une erreur judiciaire, de faire appel à lui, elle se retrouve un peu sous son emprise. Donc Prévert développe ces sortes d'amour et en les développant pour complexifier son scénario et ses intrigues, il crée effectivement des passerelles, des parallèles entre le théâtre et la vie. Et toute cette mise en abîme, c'est effectivement un des thèmes principaux du film. Alors c'est très lié à l'aspect biographique de Prévert. Prévert ne dissociait pas, ne compartimentait pas les choses. Et évidemment, toute son œuvre est en partie autobiographique. Il y a beaucoup de clins d'œil à ce qu'il peut vivre parallèlement. Notamment une scène de jalousie qu'on entendra peut-être, qui fait écho à certains événements de sa vie personnelle. Les éléments de réflexion quant au jeu de l'acteur en tant que mime ou acteur parlant sont très nombreux tout au long du film et ils ouvrent quasiment le film avec la scène qu'on a entendue. L'histoire d'amour vient s'entremêler entre ces réflexions et je le disais, parfois il n'y a même pas de différence parce que de nombreuses reprises les personnages du film amoureux disent bien qu'ils sont en train de jouer un rôle. Cet amour-là, c'est d'abord sans doute celui que Jacques Prévert voue à Arletty, car cette Garance dont nous parlons est en fait interprétée par Arletty qui était déjà bien connu en son temps et qui, dans le film, cristallise tous les regards, toute la séduction, tout le désir et elle-même s'en amuse, elle se campe en personnage résolument libre jusqu'au bout. Écoutez comment Prévert parle d'Arletty et puis la première scène de séduction entre Garance, c'est-à-dire Arletty, et l'acteur Frédéric Lemaître, joué par Pierre Brasseur. Arletty, j'aime Arletty. Arletty n'est pas charmante. Arletty, c'est le charme. Arletty n'est pas drôle. Arletty, c'est l'humour. Oui, Arletty, c'est l'humour, avec tout l'amour de la vie et sa compréhension. Arletty, elle est partout chez elle, puisque partout pour elle, c'est la vie. Elle est en famille avec la vie. Sa voix, qu'on dit de Paris, C'est une voix de bien ailleurs aussi. Une voix dans l'autrefois. Dans l'autrefois d'aujourd'hui. Et quand c'est la voix de la rue, c'est la voix de la rue. Quand la rue est un salon, un vrai, où on parle vivant, lucide, désespéré parfois, ou marrant en même temps, presque toujours. Arletty, je la vois au studio, traversant un décor, à demi nu. Et c'est la beauté. Les machinistes retiennent leur marteau. Et sans ôter leur casquette, la saluent du regard. C'est la beauté, toute simple. La beauté, la grâce et la lucidité. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous. Au rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement deux minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet homme? Oh, moi, j'aime tout le monde. Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il est un jaloux. Est-ce que vous en savez? Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais non, pardon. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vous l'êtes. Alors? Alors, au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Mais je suis tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard? Oh. Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, oh, c'est merveilleux. La vie est belle. Et là, ça repart, et cette fois-ci, Frédéric parle à une autre femme. On voit bien qu'en fait, il récitait un texte qu'il avait déjà sans doute prononcé à de nombreuses reprises. Comment définir Arletty Carole-Orway? C'est très compliqué, cette voix à la fois gouailleuse et sensuelle, qui capte la lumière sur son visage mieux que personne, et qui, de toute évidence, vous avez entendu la voix de Jacques Prévert, tremblante d'émotion lorsqu'il parle du physique de ce corps à demi nu d'Arletty, mais aussi, c'est encore plus beau, de sa lucidité, comme s'il était aussi amoureux de son corps que de son esprit, ce qui n'est pas le cas de Frédéric Lemaître d'ailleurs. Bien sûr, c'est pour ça qu'il décline, hein, que Prévert décline aussi ces sortes d'amour pour en montrer toutes les facettes. Oui, Prévert est littéralement amoureux d'Arletty. Hein. C'est comme tout le monde à l'époque, non, j'ai l'impression. Ah, oui, comme beaucoup de personnes à l'époque, ça c'est évident, mais ce qui est frappant aussi, c'est cette constance chez Prévert de cet amour pour Arletty. Constamment, il y a une émotion dans sa voix et dans ses textes quand il parle d'Arletty, c'est assez frappant. Et il écrit, hein, ces scénarios et ces personnages pour elle. Le personnage de Garance, il l'a composé sur mesure pour cette actrice, donc ça c'est quand même aussi extrêmement impressionnant, et il lui donne des facettes qui évidemment là aussi mêlent fiction et réalité, parce que le personnage de Garance a de grandes similitudes avec celui d'Arletty, le fait que ce personnage était livré à lui-même quand il était petit. Arletty explique, enfin Garance explique très bien dans Les Enfants du Paradis qu'elle a vécu avec sa mère, qu'elle a été très vite dans une vie assez misérable, ce qui est très tôt noté sur le scénario d'ailleurs. Hein, qu'elle a été très heureuse jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est ce exactement. Qu'elle dit. Qu'à 15 ans, sa mère est morte et qu'elle a connu la misère. Mais voilà, à côté du personnage de Garance, sur le scénario, Prévert écrit quand même la misère. Donc voilà, il y a cet ancrage biographique, cette enfance qui est un peu similaire, cette liberté d'Arletty qui est mise en avant aussi dans le scénario par le personnage de Garance, parce que Arletty, pendant cette période-là, reste aussi libre au niveau de ses amours. Elle a une liaison avec un officier allemand et c'est là qu'elle déclara... Alors que qu'on est en 1943. Exactement, c'est là qu'elle déclara que son cœur est français mais son cul est international. Donc voilà, il y a tout ce elle parallèle. Elle ira en prison d'ailleurs. Elle ira en prison, bien sûr. Elle enregistrera même certaines des voix des Enfants du Paradis en prison pour les derniers enregistrements sonores. Donc oui, cette passion de Prévert pour Arletty, elle est constante et là encore, Prévert Javert qui se livre assez peu, expliquera un petit peu plus tardivement dans les années 60 qu'en fait s'il devait choisir deux films pendant sa filmographie, il choisirait L'affaire est dans le sac en 1932 avec son frère Pierre, réalisé par son frère Pierre Prévert, mais aussi Les enfants du paradis. Et lorsque le journaliste lui demande pourquoi, il répond pour Arletty. Ce qu'il y a de formidable quand on regarde un film réalisé non seulement par un réalisateur talentueux, mais et aussi écrit, dont le scénario est écrit par un poète, c'est qu'on boit du petit lait à chaque phrase. Et vraiment, quand je regarde les films en vue d'une émission et je prends toujours des notes, des dialogues, et là on a envie de tout écrire tellement tout reste en tête. Et la phrase qu'on vient d'entendre, un pari est tout petit pour des gens qui s'aiment d'un si grand amour, qui est dit de manière ironique par Arletty, par le personnage de Garance, à cet acteur qui vient la courtiser. Leur relation est très intéressante parce que ils le disent très bien, à aucun moment finalement ils ne s'aiment d'un véritable amour. Elle dit qu'elle va parfois le voir parce qu'elle s'ennuie, et lui voudrait bien l'aimer davantage, mais en fait il ne l'aime pas. Si bien qu'il y a une forme presque d'amitié qui naît entre les deux, qui est très belle et qui vient faire un contrepoint de la passion destructrice qui va littéralement embraser les autres personnages. Oui, tout à fait. Mais c'est cette sincérité qui est aussi là mise en avant. On ne joue pas avec les sentiments, on est en pleine vérité, hein, comme Arletty, dès le départ, dont le film est posé comme la vérité dans le puits, avec sa nudité, et après son trop-parler. C'est un des petits boulots qu'elle a, elle doit poser nue dans un puits. Exactement. Bon, ce qui est assez frustrant pour la plupart des spectateurs qui s'attendent à la voir intégralement nue, et puis finalement, elle n'est dénudée que des épaules. Mais voilà, ce personnage-là sans phare, ne ment pas, dit constamment la vérité. Et effectivement, avec Frédéric Lemaître, il n'y a pas d'amour. Alors Frédéric Lemaître aimerait qu'il y ait de l'amour, mais lui-même ne ressent pas grand-chose. Il essaie un moment de s'en servir pour jouer Othello. Oui, à un moment, il va se sentir jaloux, il va dire « Ah, tiens, ça y est, je peux jouer Othello maintenant mais que je ressens de la jalousie. » Mais ça passe très rapidement quand même. Alors un mot quand même sur ces personnages réels. Frédéric Lemaître, je parlais du mime de bureau. Mm-hmm. Dites-nous, qui sont-ils, car ils ont vraiment existé? Oui, alors l'ensemble du scénario est ancré sur trois personnages qui ont réellement existé. Effectivement, le mime de bureau, Frédéric Lemaître, le grand acteur parlant, et Lassner, le poète assassin. Bon, il y a une petite, enfin, quelques largesses avec la chronologie, mais enfin, globalement, dans la première moitié du 19e siècle, ces personnages ont vécu et ne se sont pas tous forcément rencontrés. Ce qui est intéressant, là aussi, au niveau de la genèse, c'est qu'en fait, c'est l'étincelle, le point de départ du film, c'est Jean-Louis Barrault qui l'amène, parce qu'il est en train de travailler sur le mime de bureau. Il a envie d'incarner un mime et il propose à Carnet et Prévert, qui sont en quête d'un sujet après Les Visiteurs du Soir en 1942, de faire un film sur le mime de bureau. Alors, qui est le mime de bureau? Alors, le mime de bureau est un des grands mimes du 19e siècle qui a évidemment profondément marqué les scènes parisiennes. Le boulevard du Temple, dit le boulevard du crime, parce qu'on y jouait aussi beaucoup de mélodrames. Et Barrault s'intéresse à ce personnage, mais Carnet ne... pas emballé véritablement par De Bureau, mais ce qu'il voit dans cet éventuel projet, c'est la possibilité de mettre en scène Paris, de mettre en scène les théâtres, avec évidemment beaucoup de figurants et toute une atmosphère, justement, toute une ambiance. Et c'est là que ça devient aussi intéressant, parce que c'est Prévert qui amène le troisième personnage, justement, qui a réellement existé, en l'occurrence Lassner, le poète assassin, parce que Prévert a toujours eu envie d'écrire un scénario sur Lassner, mais il avait parfaitement conscience qu'il ne pourrait jamais tourner un film sur Lassner. Donc il va insérer Lassner dans un film sur De Bureau, et c'est ainsi que les croisements vont se faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage féminin de Garance, lors de recherches au moment de l'exposition sur le film à la Cinémathèque française, je l'ai trouvé ponctuellement dans des ouvrages du 19e siècle, notamment un ouvrage sur Lassner et l'assassinat, où il y a un personnage féminin qui se rend tous les soirs au théâtre pour aller voir le mime Baptiste. Donc le personnage de Garance n'a pas existé en lui-même, mais en tout cas il prend racine comme ça dans des petites anecdotes que Carnet, Prévert et les autres collaborateurs ont dû lire, bien évidemment. Baptiste, c'est celui dont on a entendu parler au tout début de cette émission et donc au début du film, qui est présenté par son père, qui tient le théâtre des Funambules. Baptiste, c'est le mime qui ne parle pas beaucoup et qui tombe fou amoureux de Garance. Il ne peut pas vraiment exprimer son amour, il est maladroit, peut-être parce que son métier justement est de ne pas exprimer les paroles, mais essayer de faire des gestes qu'il n'arrive pas à faire à un moment du film, et il s'en voudra jusqu'à la fin du film. Baptiste, c'est Jean-Louis Barrault qui l'incarne, Jean-Louis Barrault que voici. Je rencontre sur la promenade des Anglais Prévert et Carnet, qui sortaient de chez leur producteur et qui étaient très en colère parce que leur scénario avait été refusé. Alors nous avons pris un pot, Jacques me dit « t'as pas un scénario toi ?» Et comme ça, dans la conversation, je lui raconte le sujet auquel je pensais, qui était de faire la différence qu'il y a entre un mime et un acteur bavard, c'est-à-dire entre deux bureaux qui étaient mimes et Frédéric Lemaître qui était bavard. Et alors, dans l'histoire de Debureaux a été amené à tuer un homme d'un coup de canne, parce qu'il était champion de canne, et d'un coup malencontreux, il a tué l'homme alors qu'il ne voulait que défendre sa femme qui était insultée par cet homme. Et alors, tout le boulevard du crime s'est précipité au jugement, non pas pour voir acquitter Debureaux, parce que le peuple n'est pas tellement charitable, mais pour entendre le son de sa voix. Bien sûr, toi, les mots, les phrases, ça te laisse froid. T'en as pas besoin. Tu racontes de petites histoires sans rien dire. Mais tu la racontes bien, tu sais. Tu peux même dire que tu m'as étonné. Tu parles avec tes jambes, tu réponds avec tes mains, un regard, un haussement d'épaule, deux pas en avant, un pas en arrière, et hop, ça y est, ils ont compris, au paradis. Ah oui, ils comprennent tout. Pourtant, ce sont de pauvres gens. Mais moi, je suis comme eux, je les aime. Je les connais, leur vie est toute petite, mais ils ont de grands rêves. Et je voudrais pas seulement les faire rire, je voudrais aussi les émouvoir, leur faire peur, les faire pleurer. Et tout ça, sans rien dire? Ah oui, sans rien dire. Bon, c'est difficile. Mais tu crois que c'est impossible? Difficile, c'est pas la même chose. Difficile, impossible, en effet, c'est pas la même chose, et le jeu d'acteur le montre bien. Il est absolument bouleversant de voir Jean-Louis Barrault, qui tantôt interprète Baptiste au visage si délicat, au regard si intense, ému par Garance, et tantôt a le visage recouvert d'une poudre blanche pour jouer le personnage de Pierrot, inventé par Debureaux, sur scène. Et Marcel Carné garde de longues scènes du mime sur scène, qui sont tout aussi bouleversantes que les scènes dites d'amour. On voit vraiment l'efficacité d'un jeu de mime, même au cinéma. C'est effectivement très impressionnant. Et en fait, c'est quand même, Les Enfants du Paradis, c'est aussi un film d'acteur. Et c'est peut-être principalement un film d'acteur. Et Prévert, justement, disait que ce qui l'intéressait au cinéma, c'était les acteurs. Et qu'il ne faisait du cinéma que pour les acteurs, pour créer des personnages pour eux et sur mesure. Et ce qui est aussi très intéressant, je ne sais pas si vous savez comment Prévert commence un scénario, il commence toujours un scénario, en fait, en créant les personnages. Il prend une très grande planche sur laquelle il dessine des lignes horizontales et comme sur une sorte de portée musicale, il va disposer ses personnages. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, il dispose le personnage du mime et le personnage donc le personnage de Baptiste et le personnage de Frédéric Lemaître et il écrit en rouge d'emblée, dès ce premier brouillon, dès ce premier jet créatif, les mots et les gestes. Et la dichotomie, elle est vraiment marquée dès le début. Donc il a vraiment, dès ce premier jet, voulu ancrer cette différence et ce passage entre le parlant et le muet. Alors je dis parlant et muet parce que on y voit évidemment un parallèle avec le passage du cinéma muet au cinéma parlant à partir de 1927. Prévert était hostile au parlant, ce qui est assez amusant puisqu'il est devenu un des scénaristes qui a fait parler le cinéma français. Et ce parallèle, je pense qu'on peut vraiment l'appuyer par un certain nombre d'éléments, et notamment celui-ci, quand on étudie tous ces manuscrits de scénario, on s'aperçoit qu'à un moment, il a fait un petit dessin où il a dessiné deux personnages et il a écrit « Les frères Lumière ». Donc ce clin d'œil est présent ici, et une autre façon qu'il a de caractériser le mime dans ce premier jet scénaristique est la suivante, il a écrit « Buster Keaton ». À côté. Donc, clin d'œil au cinéma muet aussi. Donc, cette différence, elle est là, elle est volontaire et ça lui permet justement de rendre hommage à ces deux types d'acteurs et de développer ces deux aspects. Et d'exacerber la tragédie inhérente, parce que vous dites qu'il était hostile au parlant et que c'est assez ironique parce que c'est lui qui a donné ses répliques au cinéma français à ce moment-là. S'il y a une morale dans le film, au sens d'un bien et d'un mal, mais une leçon à tirer de ce film, c'est quand même que la parole, bien souvent, est inutile et ne nous sert pas. Elle fait plaisir aux spectateurs parce qu'on entend des bons mots. Mais au fond, tout le film montre l'inutilité de la parole en ce qui concerne l'amour, en tout cas. Celui qui parle, Frédéric Lemaître, c'est celui qui parle le mieux, c'est celui qui n'est vraiment pas amoureux. Baptiste n'arrive pas à parler et souffre de n'avoir pas su, une nuit, prendre Garance dans ses bras et d'être ainsi passé à côté de sa vie. Oui, tout à fait d'accord, mais en même temps, j'ajouterais quand même une nuance, c'est que c'est Garance qui parle justement de l'importance de la vérité et de l'utilité, en quelque sorte, de mots de tous les jours. Donc c'est justement cette langue-là, sincère, naturelle, qui est mise en avant. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, il n'y a pas besoin de fanfaronner, mais simplement de dire la vérité avec des mots de tous les jours. C'est vrai, et elle dit ça à tous ses prétendants, tous ces hommes qui viennent lui faire la cour et qui lui promettent le mariage, l'amour absolu. Et elle dit, c'est absolument bouleversant, elle dit « mais moi j'ai envie d'entendre des mots de tous les jours » comme si elle en appelait un langage ordinaire, qui parle vraiment des choses telles qu'elles sont et de la vie telle qu'elle est chaque jour et non pas de la vie telle qu'on voudrait la voir au cinéma. C'est très émouvant d'entendre ça. Et ce qui correspond pleinement à la poésie que Prévert a justement écrite et livrée à tous à partir de 1946, juste après Les Enfants du Paradis, dans le recueil Paroles, et ce qui explique aussi cet engouement et ce succès, parce que quand Paroles sort en 1946, il y a quand même 5000 exemplaires du recueil qui sont vendus en une semaine, et les gens se retrouve dans ces mots de tous les jours et dans cette quotidienneté. Donc c'est en quelque sorte exactement ce que prône Garance. Parce que c'est la poésie de Prévert, c'est une poésie de l'ordinaire, vous diriez ? C'est une poésie de la quotidienneté, oui, de la simplicité. Ce qui est si difficile à obtenir dans le oui, film. Oui, on a toujours l'impression que c'est extrêmement facile, mais non, c'est extrêmement difficile, effectivement, d'arriver à cette simplicité. Derrière, il y a un réel travail. Il suffit, encore une fois, d'aller consulter et étudier les manuscrits de Jacques Prévert pour s'apercevoir que non, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, il n'écrit pas sur une petite nappe, sur un bout de papier, dans un café. Il le fait, certes, mais pour noter quelques idées. Après, c'est un véritable travail pour arriver à cette simplicité. Le film se compose de deux parties. Il y a un basculement à la fin de la première partie. On a rencontré tous les personnages, le poète assassin, l'acteur, le mime, Garance, Nathalie, dont nous n'avons pas encore parlé, Nathalie qui joue au funambule aux côtés de Baptiste et qui est folle amoureuse de Baptiste, mais d'une folie qui nous met presque mal à l'aise parce qu'elle l'aime envers et contre tout. De manière aveugle. C'est ça, alors qu'elle voit très bien que Baptiste ne l'aime pas, elle est à ses genoux, elle le supplie de la regarder et lui pense à Garance et ça lui va très bien, enfin elle l'accepte. Et à la toute fin de la première partie, un basculement va s'opérer quand Garance, qui revendique sa liberté, son indépendance, qui dit bien « je suis comme je suis, j'aime plaire à qui je plais, c'est tout », dit-elle, va devoir faire appel à quelqu'un d'un comte qui s'appelle le comte Édouard de Montret, qui vient déclarer sa flamme après une représentation théâtrale et elle l'envoie balader parce que finalement elle entend exactement les mêmes phrases qu'elle a entendues depuis le début du film, depuis le début de sa vie. Mais rattrapée par les affaires de justice, elle va devoir faire appel à lui et ainsi le film bascule vers la deuxième partie. Écoutez cette scène de rencontre entre Édouard de Montret, le comte, et Arletty quand l'amour fou rencontre la liberté. Mademoiselle Garance, il y a là une personne qui désirerait absolument vous voir. Qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs ? Pas possible, quelqu'un est mort. Oui, mademoiselle, quelqu'un est mort. Un homme qui se croyait trop sûr de lui, qui pensait avoir touché le fond des choses. Et cet homme-là, c'est vous qui l'avez tué. Je vous en prie, vous allez me faire peur. Rassurez-vous, un autre homme est né à cause de vous. Un homme nouveau et qui met sa vie entre vos mains. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Que bon vous semblera. Tout ce que je possède, et je possède beaucoup, tout ce qui m'appartient, je le dépose à vos pieds. Demain, si vous voulez, les plus belles femmes de Paris, les plus fêtées, se mordront les lèvres jusqu'au sang, en entendant seulement prononcer votre nom auprès des vôtres, leurs bijoux les plus rares, sont ternes comme des charbons. Vous avez de plus beaux équipages. J'ai peur des chevaux. Non, je vous en prie, ne dites pas non. Pourquoi voulez-vous que je dise oui, puisque ça ne me fait pas plaisir? Alors, ne dites rien. Laissez-moi espérer. C'est ça, je vais me taire et vous allez parler tout seul. Et comme vous êtes ému, bouleversé, vous allez encore dire des banalités. Les diamants, les chevaux, la bricole, l'avoine, et puis le harnais. La grande vie, quoi. Oh, si tout ça me tombait du ciel, je ne dirais peut-être pas non. Mais tout de même, cette façon de parler, un seul mot et votre vie peut changer. Ça veut dire que c'est rien, alors, ma vie. Ne dites-moi de rien du tout à vous entendre. Si elle me plaît, à moi, cette petite vie-là. Enfin, tout de même, vous arrivez là, vous disposez de moi, vous faites l'inventaire. Je vous plais, bon, c'est une affaire entendue. Mais si quelqu'un m'aimait... Il n'en est pas question. Vous êtes beaucoup trop belle pour qu'on vous aime vraiment. La beauté est une exception, une insulte au monde qui est laid. Quand je pense que je ne me suis pas encore présenté, c'est inconcevable. Comte Édouard de Montret. Vous en prie, mademoiselle, gardez cette carte. On ne sait jamais. Le malheur ne choisit pas toujours la porte où il frappe. et vous pouvez un jour avoir besoin d'aide, de protection. En ce cas, et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que je vous suis dévoué corps et âme, et que vous pouvez avoir en moi la confiance la plus absolue. Et ainsi, le film bascule dans la seconde partie, beaucoup plus tragique, car lorsque le rideau s'ouvre à nouveau, hein, vraiment les deux parties sont séparées comme au théâtre, eh bien on découvre une Garance qui a finalement accepté les avances de ce comte par intérêt, mais qui se retrouve prisonnière d'un amour dont elle doute d'ailleurs, mais d'une situation qu'elle avait tout fait pour refuser jusque-là. Garance est celle qui se présente comme une enfant du paradis, qui voudrait tout là-haut dans les gradins à faire du bruit, être une enfant pauvre, hein, c'est ce qu'elle dit, et qui se retrouve finalement en compagnie d'un des hommes les plus riches de Paris. Baptiste, celui qu'elle aime, a épousé Nathalie, a eu un enfant avec elle, et chacun semble avoir fait sa vie, construit sa vie, et tous les deux sont malheureux. C'est la tragédie initiale. Tout à fait, tous les deux sont malheureux et depuis 6-7 ans, c'est à peu près la période qui sépare les deux parties, ben ils ne pensent que l'un à l'autre. Et Garance, de retour à Paris, après avoir beaucoup voyagé, après avoir été mise dans cette petite cage dorée par le comte de Montré, d'ailleurs c'est assez signifiant au niveau des costumes, hein, parce qu'à la fin de la première période, elle a toujours des robes avec des épaules dénudées, des cœurs en boucle d'oreille, et quand la seconde période débute, elle est évidemment dans des habits très luxueux, son corps, sa peau sont assez cachés et elle a une sorte de petite voilette qui forme comme un petit grillage devant son visage. Hein. Donc le petit oiseau est en cage et dans la boîte à musique, comme elle dit, quelque chose s'est un peu cassé. Et de passage à Paris, après beaucoup de voyages, notamment aux Indes, elle va tous les soirs assister au spectacle de Baptiste et dans sa loge, dans son silence, emmurée dans son malheur, elle va l'observer, l'admirer tous les soirs. Lui, de son côté, bah, effectivement, et dans cette vie avec Nathalie, il a eu un petit garçon, il a un succès phénoménal en tant que mime, mais visiblement, il n'est pas heureux non plus. Et là, ils vont, par l'intermédiaire de Frédéric Lemaître, se retrouver pour une nuit. Nathalie, disons-le, parce que je ne l'ai pas dit, c'est Maria Cazares. Donc Nathalie joue le rôle de celle qui est rejetée, qu'on n'aime pas, qui serait donc qui est laide. D'ailleurs, son rôle, on le dit toujours, ah mais tiens, tu es devenue belle. Elle dit non, je suis devenue heureuse. Voilà, quand on regarde Maria Cazares, un de ses premiers grands rôles, sa beauté n'a pas à rougir devant celle d'Arletty quand même. Pas du tout, mais il y a justement, je trouve, tout un jeu de sa part et tout un éclairage aussi. On n'a pas parlé de la lumière de Roger Hubert qui est absolument magnifique. Il y a la Nathalie qui n'a pas, ne possède pas, pour Nathalie on peut utiliser ce terme, Baptiste, qui est effectivement assez terne, assez triste et dont la beauté est amoindrie. Et puis il y a Nathalie qu'on retrouve au début de la seconde période qui là quand même est vivante, rayonne parce qu'elle est avec Baptiste. Garance a disparu et elle a sa vie de famille et Baptiste à ses côtés. Alors ça ne va pas durer bien évidemment, mais il y a quand même une différence entre ces deux Nathalie et un jeu, je trouve, de Cazares assez beau, assez fin pour ce personnage. C'est une réflexion sur l'identité, en fait, à travers la réflexion sur le jeu de l'acteur, mime ou acteur parlant, les jeux de l'amour, car en fait, ce sont des jeux, ça on le comprend bien, tout est fait par opportunisme et par hasard, comme l'a dit Garance dès le début du film et donc de l'émission. Il y a une question posée par le film, qui est celle de savoir dans quelle mesure pouvons-nous correspondre à l'image que nous nous faisons nous-mêmes. Garance est bien obligée d'admettre qu'elle n'a pas pu rester libre. Elle le dit, elle ne ment pas à ce sujet, mais cette liberté qu'elle revendiquait, elle a dû y renoncer. Bien sûr. L'identité, c'est aussi un thème effectivement extrêmement fort dans le film. À ce sujet, au niveau de la mise en scène, d'ailleurs, Carnet l'a très bien rendu, parce qu'il y a un certain nombre de miroirs qui sont présents dès le début. Quand elle est dans le petit puits et qu'elle incarne la vérité, elle se regarde dans un petit miroir. Petit miroir, d'ailleurs, qui apparaît d'emblée dans le scénario de Jacques Prévert sur le premier brouillon, avec un petit point d'interrogation à l'intérieur. Donc c'est posé dès le départ. Il y a aussi toute cette scène dans la deuxième époque où Arletty parle au comte de Montré, mais en se regardant dans le miroir. Donc ce jeu d'identité et ces dédoublements et cette difficulté aussi, et aussi d'être soi, apparaît dans cette mise en scène et apparaît constamment dans les dialogues. Dans l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, lorsque Frédéric Lemaître courtise Garance au début du film et qu'il lui demande comment elle s'appelle, elle lui répond « On m'appelle ». carence. Donc c'est une constante, effectivement. En réalité, elle s'appelle Claire, on le sait bien, Claire comme le jour, Claire comme de l'eau de roche. Et donc c'est quelque chose qui est distillé au fur et à mesure du film, constamment. Jusqu'à un coup de théâtre dans le théâtre, une scène absolument incroyable qui dure quelques minutes et qu'on va entendre dans son intégralité. Vous verrez, les dialogues sont tels qu'on est de toute façon happé par l'intrigue. Juste pour situer un peu le moment où nous sommes dans le film, donc c'est juste après que Frédéric Lemaître ait joué Othello, puisqu'il a ressenti de la jalousie. Il s'est rendu compte que lorsque Garance venait observer Baptiste tous les soirs, ça le rendait jaloux. Il le dit lui-même, il dit, tiens, je suis pas amoureux, mais je suis jaloux, je vais enfin pouvoir jouer le rôle d'Othello. Et bien donc il joue sur scène, et juste après la pièce, il va retrouver le comte de Montré, qui est venu assister à la représentation avec donc Garance, avec qui il vit en ménage, et deux de ses acolytes. Le comte de Montré n'a pas trop aimé la pièce, il le dit à Frédéric Lemaître, qui va donc un peu s'échauffer, et qui va appeler à l'aide ou à ses côtés celui qu'il vient de rencontrer, qui n'est autre que le poète assassin Lassner, qui celui-ci a tout manigancé, car de l'autre côté de la fenêtre, au moment où nous assistons à ces dialogues un peu incongrus entre les hommes, Baptiste et Garance viennent de se retrouver, ils sont en train de s'embrasser de l'autre côté du rideau qui, à la fin de la scène, sera tiré de manière à ce qu'il soit montré au vu et au su de tous les spectateurs. Baptiste, venez. Où ça? Je ne sais pas. N'importe où. Vraiment, monsieur, vous avez joué ce rôle de brute bornée et sanguinaire avec un tel naturel. Trop aimable, monsieur. Mais je pense surtout l'avoir joué comme Shakespeare l'a écrit. Le plus naturellement du monde. Un bien singulier personnage, ce monsieur Shakespeare. Je me suis laissé dire qu'il avait débuté dans les lettres en découpant de la viande sur l'étal d'un boucher. Et pourquoi pas? Ce qui expliquerait le caractère bestial et forcené de son théâtre, et pourquoi il obtint de son vivant tant de succès auprès des débarteurs, des chartiers. Et les rois. Oh, mais alors je comprends pourquoi cette pièce me déplaisait, me choquait. Demain soir, je prendrai une place pour mon cocher. C'est une expérience à tenter. J'espère que vous me laisserez le plaisir de vous offrir une avant-scène pour vos chevaux. C'est une expérience à tenter. Et moi qui croyais que vous ne vouliez plus me rejoindre. Et moi qui craignais de vous avoir perdu pour toujours. Jamais je ne vous ai oublié. Et même dans mes rêves, toujours vous étiez là. Vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. Je trouvais ma vie tellement vide. Et je me sentais si seule. Et je me disais, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu es tout de même heureuse puisque quelqu'un t'a aimée. Je vous aime encore. Je n'ai jamais cessé. Et vous, Garance, aimez-vous? Non. Ne me répondez pas. Je ne demande rien. Vous êtes là, c'est la seule chose qui compte. Non, je ne désire rien. Simplement, la chaleur de votre corps contre le mien. Et cette bouche qui est votre bouche. Et ces yeux qui sont vos yeux. Mes compliments, Frédéric. Vous avez été remarquable. Messieurs, permettez-moi de vous présenter. Inutile. J'ai rencontré cette personne une fois, et c'était déjà une fois de trop. Et voilà qui est amusant. Oui, figurez-vous que depuis un petit moment, ces messieurs me cherchent querelle. Au fort courtoisement, d'ailleurs, je le reconnais. Il faut bien passer son temps d'une façon ou d'une autre. Vraiment, messieurs, vous avez tort de ne pas apprécier mon ami Pierre-François. Je le connais depuis peu, et je vous certifie que dans son genre, c'est un garçon remarquable. Et qui ne manque pas de talent. Tous les talents, sans aucun doute. Il faut de tout pour faire un monde, ou pour le défaire. Amusant. Ce n'est qu'un mot, mais amusant. Très amusant. Vraiment. Vous le trouvez amusant. Eh bien, messieurs, amusons-nous. D'ailleurs, je vous préviens que nous ne courons aucun risque. Ce monsieur ne se bat pas en duel. Absolument pas. Peut-on savoir, mon ami, comment vous exercez actuellement vos talents? Puisque cela vous intéresse, je termine, enfin, je mets la dernière main, à une chose tout à fait passionnante et qui fera du bruit. Une tragédie, sans doute. Non, un vaudeville. Une farce. Ou une tragédie. Pourquoi pas, si vous préférez. C'est pareil, tout cela. Par exemple, quand un roi est trompé, c'est une tragédie. Un drame de la fidélité. Ce n'est pas sa femme qu'il trompe. Non, c'est la fatalité. Mais s'il s'agit d'un pauvre diable comme vous ou moi, monsieur le Montré, et quand je dis moi, c'est une façon de parler, alors, ce n'est plus une tragédie. C'est une bouffonnerie. Une lamentable histoire de cornard. C'est pourtant le même bois sous le chapeau du pauvre, sous la couronne du roi. le bois mort de l'amour qui pourrit sur la tête de ceux qui ne sont pas aimés. Alors, dans le fond, messieurs, peu importe le genre de ma pièce, l'essentiel est qu'elle soit amusante et que l'auteur soit le premier à en rire. Très drôle. Oui, elle est très drôle. Mais je vous préviens qu'il y a des meurtres. Et je vous assure qu'une fois le rideau tombé, aucun de ceux qui sont morts ne se relèvera pour saluer. Décidément, ce personnage est ennuyeux au possible. Si on le jetait dehors... C'est l'ennuyeux. Je vous assure, monsieur, que vous auriez tort d'essayer de m'humilier. D'ailleurs, vous ne le pourriez pas. Je ne suis pas un personnage de votre ville, moi. Tandis que vous, vous en êtes un. Je le prouve. Et le rideau s'ouvre sur la preuve de l'infidélité de Garance à l'égard du comte, puisqu'elle est en train d'embrasser Baptiste. Il faut de tout pour faire un monde ou pour le défaire. C'est bien la scène, ça pourrait être une phrase de Shakespeare, hein, d'ailleurs Shakespeare qui est moqué par le comte. Ce qui est une tragédie pour le roi est une bouffonnerie pour le pauvre. On retrouve l'opposition entre les enfants du paradis et les acteurs ou les plus riches. Et finalement, le vaudeville tragique, c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux, Carole Rouet. Complètement. Là, je pense que c'est vraiment le moment central où la vie et la fiction et le théâtre se mélangent. Et évidemment, on pense au Monde est un théâtre de Shakespeare. Et c'est un auteur que Prévert apprécie et lit beaucoup et qu'il essaie évidemment d'utiliser dans ce film, comme il l'adaptera plus tard dans Les Amants de Vérone. Donc, il joue encore une fois sur ces échanges entre les deux. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est d'un côté de faire discuter ces acteurs et ces spectateurs aussi sur les notions de genre, de vaudeville, de farce, de tragédie. C'est pareil tout ça, nous dit-il finalement. Et c'est justement tout ce monde et tous ces auteurs et tout ce côté extrêmement hautain et toute cette lutte des classes en quelque sorte culturelle qui tient à cœur à Prévert et dont il se sert là aussi dans cette scène, dont c'est une scène riche à plein d'égards évidemment, et qui joue aussi de ce sarcasme et de cet humour dont on a peu parlé, mais l'humour est extrêmement présent aussi dans Les Enfants du Paradis. Y compris aux dépens des personnages, que lorsque le comte dit oui, Shakespeare, oui, c'est une brute épaisse, enfin, Othello est une brute épaisse, et Shakespeare vraiment n'avait pas tellement de talent, c'était un boucher d'ailleurs. Il a commencé sur les étals des bouchers, oui, tout à fait. Il gagne ainsi l'adhésion du spectateur contre lui. L'arrivée de Lassner, l'assassin, joué par Marcel Héran, a quelque chose de délicieux, parce que le spectateur l'a déjà rencontré à de nombreuses reprises, la tension est montée. Et on sait que lui, parce qu'il a jeté un coup d'œil à Garance et Baptiste de l'autre côté de la vitre, donc derrière leur rideau, dehors, qui sont en train de s'embrasser, qu'il va prendre les choses en main. Il y a quelque chose de glaçant pour nous, spectateurs, de voir que le spectacle est remis entre les mains d'un assassin. Tout à fait. Et c'est même assez troublant, parce qu'en voyant le film encore récemment, on découvre toujours des petits éléments. J'avais jamais noté non plus à quel point Frédéric Lemaître est contre, justement, et essaie d'empêcher que Lassner tire le rideau, parce qu'il se trouve cette manière de faire absolument déplorable. On le voit bien sûr. C'est son visage, crime. Et c'est un crime. Et alors qu'il vient en quelque sorte de faire l'éloge de Lassner et qu'il défend ce poète assassin, là, il ne peut pas adhérer à cette démarche. La dernière scène du film, on va se quitter avec cette dernière scène, pour le coup, est vraiment tragique. Là, on n'est plus du tout dans la comédie, puisque Baptiste et Garance se sont retrouvés pour le meilleur. Ils vont passer une nuit ensemble. Et Nathalie, qui est donc folle de Baptiste, qui l'a sans doute épousée, en tout cas avec laquelle il a eu un enfant il y a 6 ans, va venir au petit matin chercher Baptiste qui vit à l'hôtel pour l'amener au carnaval. Son fils est là, déguisé, il attend pour aller au carnaval et Nathalie monte dans la chambre et elle surprend Baptiste avec Garance. Ce sera le dernier échange, ce sera aussi la dernière actrice de cette émission. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots avant qu'on l'entende ? Ah, c'est une scène terrible, effectivement, une scène très importante et très, très belle, très réussie. D'une part, encore une fois... par les dialogues, parce que là, Baptiste et Garance viennent de passer leur première nuit d'amour. Ils arrivent à formuler avec des mots de tous les jours ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et Nathalie, effectivement, totalement désemparée, les trouve ensemble dans cette chambre. Elle a un dialogue absolument formidable, c'est-à-dire qu'au départ, elle parle toute seule avec une voix extrêmement tremblotante. Carné, d'ailleurs, expliquait qu'en fait, comme c'était le premier rôle au cinéma de Maria Cazares, c'était la peur de la caméra qui la faisait trembler. Alors je pense que c'est un petit peu méchant de sa part, qu'il y a un jeu évidemment de Cazares qui est assez réussi ici et que sa voix tremblotante n'est pas simplement due à sa crainte de la caméra. Et elle parle dans le vide, elle part tout seule et elle va jusqu'à les supplier de lui répondre parce qu'en fait elle est transparente, elle n'existe pas. Et effectivement, Baptiste va poursuivre et partir à la poursuite de Garance qui s'en va, laissant Nathalie toute seule, désemparée. Elle l'ignore, il l'ignore complètement. Il ne la regarde même pas. Et elle redit à la fin, elle dit mais vous êtes Garance, vous allez partir, c'est facile de partir tout le temps, vous échappez à la vie quotidienne et vous vivez. Elle fait le reproche que Garance fait aux autres hommes en fait. Dites mais en fait vous tournez le dos à l'amour, donc c'est facile pour vous. Et on retrouve encore un clin d'œil au titre, Les Enfants du Paradis. Elle lui dit, mais vous êtes riche et vous voulez prendre aux pauvres, mais laissez-leur quelque chose aux pauvres, vous pouvez pas être riche et amoureuse. Et cette espèce de, là, on est vraiment en pleine tragédie d'un conflit qui pourra jamais être résolu. C'est le constat que fait Maria Cazares. Bien sûr. On l'écoute ? On l'écoute. Dites quelque chose, n'importe quoi. Dites-moi de m'en aller, riez-moi, on est si vous voulez, mais ne me laissez pas comme ça. Nathalie. C'est tout ce que tu trouves à dire. Non. Je vous assure, il faut que je m'en aille. Encore ? Comme cela doit être facile. Qu'est-ce qui doit être facile ? Facile de s'en aller, puis de revenir. Vous partez, on vous regrette. Le temps de travail pour vous. Vous revenez, tête nouvelle, embellie par le souvenir. Oh oui, cela doit être facile. Mais rester. Vivre avec un seul être. Partager avec lui la petite vie de tous les jours. C'est autre chose. Oui, autre chose, vous ne pouvez rien contre cela. 6 années, vous entendez ? 6 années, j'ai vécu avec lui. Moi aussi. Vous aussi ? Oui, moi aussi. N'importe où, partout et tous les jours. Et même la nuit. Toutes les nuits que je passais auprès d'un autre. Toutes les nuits, j'étais avec lui. Garance. Baptiste, écoute-moi. Réponds-moi. Ne crains pas de me faire souffrir. Ce n'est pas grand-chose de souffrir puisque tout le monde le fait. Mais je veux savoir. Je veux que tu me répondes tout de suite. Sans réfléchir tout de suite, tu entends ? Regarde-moi. Pensais-tu toujours à elle quand tu vivais avec moi ? Oh, tu n'oses pas me répondre. Mais tu dis tout de même beaucoup de choses en me disant. Ces choses, je les comprends. Garance ! Réponds-moi, Baptiste. Toujours tu penses à elle. Tu étais avec elle. La nuit aussi, réponds-moi, même la nuit. Garance ! Garance. Et moi, Baptiste. Et moi. Et Baptiste se noie dans la foule et crie le nom de Garance alors que c'est Nathalie qui est en train de lui supplier de répondre pour un mime, ne pas répondre par la parole et partir, c'est la réponse la plus cinglante qu'il puisse faire à la personne qui l'aime, non, Carole Roy ? Oui, effectivement, une ignorance totale, une transparence de Nathalie. Mais je tiens juste à dire qu'en fait, le dernier mot qu'il prononce n'est pas Garance, c'est laissez-moi. Mais ces mots sont étouffés par les confettis qui rentrent dans sa bouche. Alors on va le laisser avec ces confettis, je ne sais pas ce qui se passera. Un grand merci à vous, Carole Roy, d'être venue merci nous parler des Enfants du Paradis aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de Jacques Prévert, Une vie, Prévert et le cinéma et d'autres ouvrages consacrés à Prévert et Prévert incarné aux éditions Les Nouvelles Éditions. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec Les Enfants du Paradis. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, il est temps d'écouter le dernier journal de la philo de l'année d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. C'est incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2018, ce qui veut dire que ce soir, une bonne partie de la planète va se retourner la tête, comme disent les jeunes, au son, ça sera le cas pour moi, de cette magnifique chanson de la compagnie créole que nous sommes en train d'écouter. Enfin, je vous dis ça, mais il est 10h56 à l'heure où je vous parle, et rien ne prouve, à en croire le philosophe écossais David Hume, que le soleil se couchera ce soir, ni qu'il se lèvera demain. Je garde donc avec moi les cartésiens et je leur propose d'explorer ensemble ce phénomène intimement lié à celui de la fête, celui auquel on ne pense jamais la veille et qui pourtant pourrit les lendemains. J'ai nommé la gueule de bois. « La fête fut excellente, mais ce matin, en vous réveillant, vous avez une envie de mourir parfaitement insoutenable. Les effluves de champagne et de whisky coquin vous empêchent d'y voir clair. D'ailleurs, comment le pourriez-vous, puisque vous avez l'œil qui colle? Vos courbatures vous empêchent de vous relever, mais de toute façon, l'idée même de vous relever vous paraît fort dangereuse, compte tenu du fait que le plafond s'agrandit et se rétrécit à vue d'œil et valse de droite à gauche. Vous avez quelques bribes de souvenirs, je parle là aux plus chanceux, et vous finissez par attraper une bouteille d'eau vieillie qui gît sous votre lit. La première gorgée est libératrice et vous pensez que ça y est, vous allez revivre. Erreur, évidemment. Le calvaire de cette journée ne fait que commencer. Mais alors, que peut la philosophie contre la gueule de bois? Rien, évidemment. En revanche, la philosophie peut nous permettre de déceler quelques attitudes récurrentes. Essayons de dresser une petite typologie. Si vous êtes humien, du philosophe écossais David Hume évoqué précédemment, vous pensez que l'expérience vaut mieux que la raison. Donc, de deux choses l'une. Soit vous n'avez aucune expérience et malgré le fait que tout le monde vous a prévenu, vous allez boire comme un ivrogne et vous réveiller demain dans l'état décrit plus haut. Soit vous n'en êtes certainement pas à votre premier nouvel an arrosé et vous déciderez ce soir, en conscience, de vous restreindre à 2-3 coupes, pas plus. Cette deuxième option sera sans doute aussi celle des cartésiens, qui connaissent la mécanique des fluides et qui savent qu'il a été prouvé scientifiquement que les mélanges mènent toujours inexorablement à la catastrophe. Mais peut-être qu'il y a en vous un véritable épicurien, un bon vivant, qui se fiche bien du lendemain et préfère, selon cette expression parfaitement abominable, profiter de l'instant présent. Par ailleurs, la philosophie d'Épicure n'avait pas grand-chose à voir avec ce que nous mettons aujourd'hui derrière l'adjectif épicurien, puisque le philosophe considérait que la prudence était la mère de toutes les vertus. Si vous n'êtes ni humien, ni cartésien, ni épicurien, vous êtes peut-être tout simplement masochiste, du nom de l'écrivain allemand Zacher Masoch, et vous prenez plaisir à la douleur. Vous boirez donc plus que de raison, impatient de vous réveiller le lendemain dans d'atroces souffrances. Bref. Il y a sans doute autant de philosophes que d'attitudes différentes à adopter en ce soir du 31 décembre. Cependant, si vous n'êtes pas adepte de la gueule de bois et que vous vous laissez pour la millième fois surprendre demain matin, pas de panique. Alexandre Lacroix, le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, pense, dans un édito publié le mois dernier, que c'est une aubaine. Selon lui, la gueule de bois a le mérite de vous mettre à distance des faillots et des zélés. Elle montre votre part d'humanité, loin des dictats d'efficacité et de rationalité de l'époque. Ensuite, je cite, « Le lendemain de cuite vous décale, vous inadapte de telle façon que vous voyez le monde avec davantage de recul. Tout prend un relief inaccoutumé et vous permet de vous interroger sur les gestes du quotidien que vous faites d'habitude machinalement. » Alexandre Lacroix soutient que la gueule de bois vous renforce. Elle vous oblige à vous dépasser. Elle constitue une épreuve morale et physique qui vous fait progresser dans votre être. Mais le plus grand avantage, selon lui, est d'ordre spirituel et créatif. Après la joie, et la liesse de ce soir, vous serez plongé demain dans une mélancolie profonde et tous les obstacles intérieurs que vous aurez à affronter vous permettront, selon Francis Bacon, cité par Lacroix, de déchirer des voiles. En avant tout donc, et un excellent réveillon à tous. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à Sharon Houry qui m'a aidé à préparer cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Marie Simon, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine avec aujourd'hui à la prise de son Jean Frédérics. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée au cinéma de Marcel Carné et Jacques Prévert. Demain, nous serons en compagnie de l'écrivaine Danielle Gazilia-Laster qui vous parlera des Visiteurs du Soir, un film fantastique de 1942. D'ici là, pour réécouter cette émission sur les enfants du paradis en compagnie de Carole Rouet, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter cette émission et chaque émission en ligne, ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, et la garder pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Et on se retrouve demain à 10h, donc précise et tapante. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.